vol est apparu 4 fois au cours de l'évolution à des millions d'années d'écart et chez des espèces très différentes. Chez les insectes d'abord, puis les ptérosaures, les oiseaux et enfin chez les mammifères. Pourquoi un animal se met-il à voler? Qu'est-ce qui arrive en premier? L'aile ou le vol? La plume ou l'aile? Le vol est-il parti du sol vers les hauteurs ou des hauteurs vers le sol? Autant de questions qui ont parfois des réponses multiples, car à chacune de ces apparitions, le vol a répondu à des stratégies différentes, avec au centre toujours cette même question, le vol est-il un accident de parcours? Vol, l'évolution à tire-d'aile, c'est le problème que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous raconter cette histoire à la fois planante et battante, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Romain Garouste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paléoentomologiste, écologue à l'Institut de systématique évolution biodiversité du Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour Annick Abourachid. Bonjour. Vous êtes professeur et anatomiste à l'unité mécanisme adaptatif et évolution également au Muséum national d'histoire naturelle. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, vous en avez l'habitude maintenant, cette émission en parallèle sur les ondes et sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors, si je dis le vol est à la fois une histoire planante et battante, c'est parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme de vol, il y en a plusieurs, Romain Garouste. Oui, tout à fait, et elles ont toutes pratiquement été expérimentées chez les insectes, et cela depuis quelques centaines de millions d'années. Et on pense que justement, il y a quand même eu un glissement, c'est le cas de le dire, d'une forme un petit peu glissante vers quelque chose de plus battu. Forme glissante, c'est une forme planée, donc. Voilà, on est passé de quelque chose qui était une adaptation peut-être un peu, comme vous le disiez, peut-être un peu qui est arrivé, on va dire, de manière... Peut-être accidentelle, on va en discuter, voilà. On va voir que c'est... Il faut nuancer cela. Mais il faut savoir aussi qu'il était évident que pour un monde qui a commencé, un monde terrestre qui a commencé en 2 dimensions et qui très vite est devenu en 3 dimensions avec une évolution de la végétation et une évolution vers le haut, il est évident que pour occuper toutes les niches écologiques de ce monde en 3 dimensions, le vol était une évidence. Annick Abourachid, on est entre l'évidence et l'accident. Comment est-ce qu'on peut nuancer cela? Oui, l'accident, peut-être pas pour dans le cas des oiseaux, parce que c'est une évolution très progressive. Donc on peut suivre sur l'évolution des formes des dinosaures bipèdes coureurs jusqu'aux oiseaux actuels. Il y a un registre fossile énorme qui montre qu'il y a eu vraiment une évolution très progressive avec de multiples formes qui ont eu des formes intermédiaires de vol et qu'on part de toute façon au départ avec des bras qui étaient déjà très articulés, donc qui pouvaient planer. C'est ça. Il est fort possible que ce soit du vol plané au départ, mais c'est pas du tout évident. Comment est-ce qu'on peut qualifier en évolution cette fonction biologique, le vol qui se présente de manière très très distincte, hein, que ce soit chez les insectes, chez les oiseaux ou chez les mammifères, puisque les sauropsidés, les ptérosaures se sont éteints, et qu'on retrouve finalement la même fonction biologique par des voies qui sont des voies extrêmement, extrêmement différentes, Annick Abourachid? Bien, c'est la conquête du milieu aérien, c'est une nouvelle niche, c'est le monde en 3 dimensions, c'est l'air est une zone très favorable en fait au développement des espèces, parce que déjà il y a peu de prédateurs, en tout cas chez les vertébrés volants il y en a moins, puisque par exemple les oiseaux vont se sauver en s'envolant, donc ce qui leur laisse déjà c'est très important du point de vue de la fuite, et puis c'est tout un monde, donc je pense que c'est une bonne opportunité. Romain Garouste. Peut-être qu'on pourrait dire que, en fait, le vol est l'équivalent de la nage dans le monde aquatique. Il est évident que les organismes auraient pu rester accrochés à leur substrat, comme il y en a énormément qui vivent, on va dire, continuellement de cette manière-là. Mais il a bien fallu aller à la conquête de ce nouveau milieu que représentait l'eau libre, donc les espèces pélagiques, les espèces qui ont du foie une double méthode de dispersion, à la fois sur le substrat et évidemment en utilisant l'eau libre. Et bien la conquête de l'air, je pense que c'est la même chose, c'était quelque chose de relativement évident dans le cadre de cette conquête de la vie sur Terre et sa complexification. Je pense que c'est d'autant plus vrai chez les insectes qui sont des animaux de petite taille. En revanche, sur des animaux de grande taille, comme les vertébrés, les mécanismes aérodynamiques et hydrodynamiques sont un peu différents parce qu'il y a le problème de la densité. Et que autant les insectes qui sont petits sont quand même plus petits. Mmh. Romain Carouste fait un signe de la tête en disant qu'il n'est pas tout à fait... Mais je pense quand même qu'il y a une... En tout cas, sur les espèces actuelles, il y a le fait qu'il y a... La densité de l'air va être plus importante. Elle va porter plus, sans doute, je pense, les petites formes que les grands animaux. Peut-être qu'on peut trouver un point commun entre les insectes, les oiseaux et les mammifères, c'est que tous les animaux qui ont acquis le vol se sont extraordinairement diversifiés et ont en fait, c'est un succès évolutif indiscutable, hein, parce que par exemple, si on regarde chez les mammifères, les chauves-souris, c'est 20% des espèces de mammifères de la planète, ce qui est quand même un vrai succès évolutif, Romain Garou. C'est évidemment pareil pour les oiseaux et pour les insectes volants qui sont la plus grande diversité d'insectes sur Terre. Oui, et sachant que justement les chauves-souris, ce sont des chasseurs d'insectes volants. Donc c'est aussi, un suivi, une adaptation qui a suivi cette grande expansion des insectes volants. Et donc il y a eu une conquête parallèle en fait de l'espace aérien. Grâce à cette méthode de déplacement tout à fait, adaptée. Et innovante pour les insectes. On va peut-être commencer par le commencement, si vous le voulez bien. Alors c'est vous, Romain Garouste, qui allez plutôt prendre la responsabilité du début et des insectes, et puis on reviendra avec vous, Annick Abou-Rachid, plus tard aux vertébrés. Quelles sont les premières traces fossiles que l'on ait, Romain Garouste, d'insectes volants? Alors c'est assez paradoxal parce que nous avons malheureusement, au contraire des vertébrés, donc des oiseaux et des reptiles, on a un registre fossile qui est relativement incomplet, en tout cas pour ce qui est des débuts. Donc on va se servir de méthodes indirectes qui sont les phylogénies moléculaires pour en déduire un certain nombre de faits, ou en tout cas d'hypothèses, plus ou moins, pour vraiment dater les périodes d'apparition des grands événements liés à ces grandes, formes adaptatives du vivant. Et donc l'apparition de l'aile. Et l'apparition de l'aile chez les insectes, donc on la date du période du Dévonien, non pas parce qu'on a des fossiles, en tout cas avec des ailes, mais parce que l'on a des fossiles incomplets qui ont d'autres caractères et on a pu associer ces caractères, comme la forme de la mandibule, avec la présence d'ailes chez ce qu'on appelle les ptérygotes. Alors les ptérygotes, on peut repréciser ce que c'est, ce sont les insectes volants. Ce sont les insectes volants qui représentent actuellement, la grande majorité des insectes sur notre planète et qui ont... ils sont apparus, pour les premières traces fossiles au milieu du Carbonifère. Et en fait, on date par les phylogénies moléculaires et également morphologiques. On arrive à dater l'apparition de ces lignées volantes depuis le milieu du Dévonien. C'est-à-dire combien de millions d'années ? Environ 380 millions d'années. 380 millions d'années. Comment est-ce qu'on fait le lien, en l'absence de traces fossiles, entre tel trait morphologique, comme vous dites par exemple la forme de la mandibule, et la présence ou non d'une aile ? Eh bien parce qu'on a réussi à prouver que la présence d'un caractère, comme la forme de la mandibule, était totalement, associée à la présence des ailes, donc d'autres caractères. Et on a créé pour ça, des lignées évolutives, ce qu'on appelle des clades, et dans lesquelles on a créé des caractères qu'ils sont les seuls à porter. Ces premières ailes que l'on trouve, c'est une des questions que je posais dans l'introduction, est-ce que l'on sait si elles étaient dédiées au vol ou est-ce que l'aile préexiste au vol ? C'est une grande question. Alors les premières ailes qui sont trouvées, effectivement, ce sont des ailes probablement destinées au vol. Donc on a pu, par leur forme, par leur taille aussi, parce que souvent il y a des espèces qui sont d'assez grande taille, des fossiles d'assez grande taille, donc on a pu assez facilement l'associer au vol. Et puis par analogie avec l'actuel, les premières ailes fossiles sont tout à fait similaires aux à nos ailes actuelles, notamment celles des libellules. Donc les premiers insectes volants étaient probablement des libellules ou des apparentés qui ont conquis donc bien auparavant l'espace aérien. Et il nous manque, si vous voulez, toutes ces formes intermédiaires entre les premiers insectes, à ptérygotes justement, et ces premiers ptérygotes. Et on en a déduit qu'il y avait un problème peut-être plus de fossilisation dans notre registre fossile, plus qu'un problème, on va dire, biologique de rareté. Et on en a aussi déduit qu'il y avait eu peut-être plusieurs façons d'apparition de ce mécanisme du vol à travers plusieurs façons d'adapter justement le vol à cette conquête du milieu aérien. Donc par peut-être une sorte de ce qu'on appelle l'exaptation, c'est-à-dire en fait on va changer d'utilisation, on va utiliser un organe existant, peut-être lié à la nage par exemple, puisque les premiers insectes étaient des insectes à larves aquatiques, et il fallait pour ces premiers insectes sortir du milieu aquatique pour se développer après dans le milieu aérien. Eh bien on a pensé que les ailes étaient d'abord des sortes de branchies déformées qui ont permis de nager un petit peu plus facilement dans le milieu aérien. Pourquoi des branchies ? Qu'est-ce qui permet de faire le lien entre une aile et une branchie, justement ? Eh bien, alors là, c'est vraiment la position, ce qu'on appelle l'homologie, donc la position sur le corps, donc au niveau du thorax, qui a permis de faire cette analogie, donc on appelle une homologie en termes de phylogénétique, qui permet en fait de dire, on a une forme qui est, on va dire, commune à l'ensemble, pouvoir se déplacer dans les deux milieux, aérien et donc aquatique. Et on a eu par la suite un succès évolutif de l'organe qui a permis le vol. Et également donc ce vol ayant permis de conquérir l'espace aérien. L'exaptation, c'est un terme qui va revenir, parce que je me retourne vers vous, Annick Abou-Rachid. On pourrait presque parler aussi d'adaptation de type opportuniste pour les plumes qui conduisent au vol, ou pas tout à fait, c'est aller un peu vite en besogne. Et en fait, les plumes sont présentes chez les vertébrés, chez les dinosaures, mais pas obligatoirement des plumes du vol, puisque la plupart des plumes ne sont pas utilisées pour le vol, mais c'est une couverture thermique. Si on pense à tout le duvet qui couvre le corps des oiseaux actuels, sont des plumes qui sont pratiques pour le vol, mais qui n'ont pas la fonction de porter ou d'assurer la portance de l'oiseau pendant le vol. Donc, ensuite, il y a eu des modifications de certaines plumes qui ont une structure tout à fait particulière, qui sont celles qu'on retrouve chez Archaeopteryx, par exemple. Et c'est pour ça que Archaeopteryx est considéré comme le premier fossile de cette lignée des oiseaux actuels. Parce que les plumes sont très caractéristiques, elles sont asymétriques. On le voit très bien quand on trouve une plume sur le sol, une plume d'oiseau, que les deux côtés autour de la tige centrale n'ont pas la même taille. Et ça a une fonction importante pour le vol. Donc c'est très typique. On voit bien que dans un cas comme dans l'autre, c'est finalement cette mécanique d'exaptation qui va permettre, qui va arriver, qui va sur des temps très longs, j'imagine, Romain Garouste, conduire petit à petit à ce que ces branchies ou ces pseudo-branchies se transforment en ailes et développent une fonction motrice à proprement parler, avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire tout l'appareil moteur, musculaire notamment, qui doit se construire autour. Oui, tout à fait. Et il y a eu, on va dire, deux périodes assez importantes dans l'évolution du vol chez les insectes. Quand les insectes plus modernes, ce qu'on appelle les insectes à métamorphose complète, sont apparus, il y a eu la mise en place d'une musculature tout à fait différente, beaucoup plus efficace, et qui a permis donc le vol des insectes tels que les mouches, les abeilles, qui sont des volateurs absolument exceptionnels. Et là, on a vraiment ce changement entre ces premiers insectes primitifs, qui sont toujours parmi nous, je vous ai parlé des libellules, ce qu'on appelle les éphémères aussi, par exemple, qui sont effectivement des insectes qui volent très bien, mais qui n'ont pas cette versatilité du vol que l'on retrouve chez une mouche, par exemple, qui a un vol tout à fait exceptionnel. Qu'est-ce qui différencie justement le vol de la libellule du vol de la mouche, Romain Garouste ? Alors, c'est souvent, on dit que c'est quand même la vitesse de battement des ailes et la possibilité de pouvoir vraiment voler, on va dire, d'accomplir, on va dire, des prouesses en tant que volateur dans les trois dimensions. Donc ça veut dire que ça permet des comportements tout à fait inhabituels chez les libellules. Vous ne verrez pas une libellule faire des loopings ou voler en arrière. Sauf chez Walt Disney. Dans Bernard et Bianca. Tout à fait. Evin Rude. Exactement. Evin Rude, la libellule. Vous avez parlé de ces insectes semi-aquatiques hein, qui auraient pu utiliser ces excroissances thoraciques pour écumer l'eau et qui seraient devenus petit à petit des ailes. Il y a d'autres hypothèses de départ qui sont aussi celles des insectes arboricoles qui se seraient servis d'excroissance pour planer. Alors oui, mais elles sont complémentaires, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer l'une qui, on va dire, qui suit l'autre, ou effectivement, on peut très bien imaginer des insectes qui n'ont plus de lien avec le milieu aquatique et qui vont utiliser effectivement cet espace aérien pour se déplacer, pour attraper leur proie, pour rejoindre leurs congénères, etc., etc., pour migrer également, effectivement. Alors, il faut savoir qu'on a eu dans l'évolution des insectes quelque chose d'assez exceptionnel qui a disparu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'actuellement, on connaît des insectes avec deux paires d'ailes. Eh bien, au cours du paléozoïque, donc l'ère primaire environ, eh bien, on avait des insectes à trois paires d'ailes. Et cette paire d'ailes un petit peu primitive a disparu et on n'a pas trop d'explications pour... vraiment conclure sur cette disparition. Pourquoi est-ce qu'ils étaient moins bien adaptés? Probablement, il se peut que quand même le vol à deux paires d'ailes est déjà quelque chose d'assez complexe. Et donc, si on a une troisième paire d'ailes, je pense que ça complique un petit peu le vol battu, je veux dire la coordination. Et peut-être que ces organismes-là n'avaient pas ce qui est apparu justement pour aider à la coordination du vol si parfait dont je vous parlais chez les mouches, eh bien, ça veut dire également un système nerveux beaucoup plus complet, beaucoup plus performant, en tout cas dans les relations avec le système locomoteur, que chez les insectes avec trois paires d'ailes. Aujourd'hui, la majeure partie des ptérygotes n'ont qu'une paire d'ailes. Les deux paires d'ailes, c'est... Une ou deux. Une ou deux, d'accord. Mais en termes de proportion entre une et deux, vous avez une idée? C'est plus... Effectivement, les néoptères, donc les organismes, enfin, ce qu'on appelle les holométaboles, effectivement, ont tellement eu un succès évolutif un peu plus récent qu'on pourrait dire que maintenant, donc les mouches, les abeilles, etc., sont, on va dire, font partie de la méga diversité des grands ordres d'insectes. Donc un peu plus de succès, oui, peut-être. Un mot d'une dernière théorie, alors qui n'est pas toute jeune, hein, qui est du début des années 80, mais qui a une théorie intéressante de la paléo-entomologiste Jarmila Kukalova-Peck. Elle part des arthropodes, elle, pour dire que les ailes seraient issues d'exopodites, c'est-à-dire des appendices dorsaux externes d'une paire de pattes qui seraient transformées. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie? Et si vous pouvez nous l'expliquer aussi un peu. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, Jarmila Kukalova-Peck, elle est partie du plan de base. Ce qui est intéressant, quand on fait l'anatomie, il faut partir d'un plan de base, donc on va dire commun entre les insectes et les autres arthropodes. Et effectivement, donc par exemple, on va prendre pour comparer les crustacés. Il faut savoir que les crustacés, ils ont des appendices qui sont en deux parties. Et il est évident que cette une partie supérieure, une partie inférieure. Exactement. Voilà. Endopodite, exopodite. C'est ça. Donc, si vous voulez, ces deux parties, il est évident qu'elles ont évolué pour donner d'autres formes non liées forcément à la locomotion pour se transformer en branchies, pour se transformer en mâchoires, hein, bon, pour les appendices céphaliques. On pense que ça pourrait être effectivement l'origine de l'aile chez l'insecte. Mais il y a des nouvelles théories qui sont un petit peu plus compliquées et qui nous disent aujourd'hui, on utilise notamment ce qu'on appelle les vodévo, donc on étudie les gènes de développement, on a des expérimentations tout à fait adaptées qui permettent d'aller voir un petit peu ce qui se passe au moment de l'embryogenèse. Et on s'est aperçu qu'en fait, l'aile, elle serait beaucoup plus complexe. Elle serait en partie due à cette transformation de cette deuxième partie de l'appendice, des appendices locomoteurs, mais également d'une partie du thorax qui serait transformée. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons de l'apparition du vol dans le règne animal. Nous commençons par les insectes, puisque ce sont les plus vieux animaux volants de l'histoire de l'évolution. Vous parliez, Romain Garouste et Annie Kabourachid, vous parliez notamment de la diversification. Effectivement, on voit qu'encore une fois, il y a des trous dans l'évolution qu'il faut remplir par de l'extrapolation, en tout cas des théories qui sont encore difficiles à confirmer aujourd'hui. On voit que sur l'extrême diversification des insectes, il reste aujourd'hui des points communs à ces ailes d'insectes qui se retrouvent dans l'ensemble du règne des insectes. Toutes les ailes d'insectes sont construites de la même façon ou est-ce que là aussi il y a eu une grande diversification ? Oui, on peut dire qu'elles sont construites de la même façon. C'est-à-dire c'est vraiment un plan de base qui s'est développé au fur et à mesure de cette évolution extraordinaire, de cette explosion, cette radiation. Alors bien sûr, il y a eu plusieurs événements dans cette radiation évolutive des insectes, mais on peut dire que depuis cette période du Carbonifère, il y a eu une sorte d'évolution relativement continue qui a conduit à l'apparition de lignées de plus en plus adaptées à leur environnement et de plus en plus performantes quelque part. Ces points communs, ce sont donc la musculature extérieure, hein, contrairement, on le verra tout à l'heure, aux vertébrés. Il y a une musculature extérieure sur les ailes d'insectes. Il y a des mécaniques mécanosensorielles, des structures mécanosensorielles à la surface des ailes aussi, des neurones. Tout cela est le point commun à ces ailes d'insectes. Alors le point commun de l'aile insecte, en fait, on part sur une structure, donc je vous ai dit qu'il y a plusieurs origines, hein, donc d'un appendice transformé et d'expansion du thorax, mais c'est la présence de nervures. Et c'est à partir de cette nervure qu'on est en train d'ailleurs de revoir le plan de base dont je vous parlais. On est en train de le revoir pour en faire un plan de base peut-être un peu plus commun à l'ensemble des insectes, puisque malheureusement, un des corollaires de cette grande diversité, c'est que ça complique un petit peu leur étude. Il est évident que dans une catégorie d'organismes qui comprend des centaines de milliers d'espèces, probablement plusieurs millions d'ailleurs, on pense aujourd'hui, il est évident que chacun ne peut pas être, on peut pas être un spécialiste des insectes, c'est très difficile. Donc on a tendance à se spécialiser plus ou moins dans des catégories. Et malheureusement, le corollaire de cela, c'est qu'il y a des plans de base ou des façons d'appréhender la recherche de ces divers organismes qui est un peu différente en fonction des chercheurs, en fonction des époques, en fonction du paradigme du moment. Et du coup, cela nuit à notre vue d'ensemble et justement à cette perspective d'évolution que l'on a besoin de faire entre les grandes lignées entre elles et à travers le temps. Donc on est en train, nous par exemple, dans notre laboratoire, de revoir un petit peu ce plan de base et on pense que c'est quand même le préalable pour pouvoir mieux comprendre l'évolution des ailes d'insectes. Et par rapport à ce que vous disiez aux aspects neurologiques, il y a effectivement la transformation complète de certaines ailes d'insectes en organes de sens, donc qui perdent complètement leur vocation à aider à la locomotion et qui deviennent des organes de sens qui vont aider à la coordination motrice des organismes. On a longtemps aussi pensé que ces ailes d'insectes pouvaient avoir d'autres fonctions, des fonctions normalement sociales, hein, des fonctions reproductives, des fonctions d'ornementation importantes. Et évidemment, l'exemple le plus classique et le plus connu de cette fonction ornementale des ailes, eh bien, c'est le papillon, les lépidoptères. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes parti à la chasse aux papillons avec votre petit filet, mais bon, allez à l'intérieur, au Muséum d'Histoire. Muséum d'histoire naturelle. Carrément, au laboratoire d'entomologie pour retrouver Violaine Llorens, Vincent Debat et leur thésard Camille Leroy. Alors, une de leurs études en cours porte sur le vol du papillon morpho, vous savez, le grand bleu électrique. Ils analysent les liens entre la forme de l'aile et le comportement du vol. Pour cela, il faut à la fois aller sur le terrain, s'intéresser à la biologie, mais aussi comprendre les principes aérodynamiques qu'il y a derrière. Là, on est dans le laboratoire d'entomologie du muséum. Ici, c'est les armoires dans lesquelles on stocke les collections. Dans ce bureau, en fait, il y a à la fois un peu de microscopie et surtout, c'est là qu'on fait les photos des ailes de papillons. Donc, c'est là où, par exemple, Camille va faire la plupart des photos des spécimens qu'il aura capturés sur le terrain et qui vont nous permettre ensuite de faire l'analyse de la forme ou des motifs de couleur. Alors là, c'est un, un joyeux mélange de différentes espèces qui viennent à la fois des sous-bois, une espèce de canopée. Donc on a pas mal de formes différentes. De quelle région ? Alors tous les morphos, ils sont néotropicaux, donc ils sont depuis le sud du Mexique au nord de l'Argentine. Donc là, par exemple, on a un morpho de sous-bois avec une aile compacte arrondie. Et ici, vous avez des ailes plus triangulaires, donc c'est les morphos qui volent bien plus haut au niveau de la canopée, qui, d'après leur forme d'ailes distinctes, on suppose qu'ils ont des comportements de vol différents, que les espèces de canopée, donc avec leurs grandes ailes allongées, utilisent plus le vol plané, tandis que les espèces de sous-bois, qui sont plus compactes et arrondies, utilisent plus le vol battu et ont un vol plus manœuvrable. Et là, on a encore une espèce de canopée qui a une aile très allongée. Et des couleurs très jolies aussi, un peu irisées, bleues. C'est des couleurs structurales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pigments, c'est vraiment la façon dont sont disposées les écailles qui vont refléter la lumière de façon différente. C'est... Si on regarde au microscope une aile de papillon, en fait, ça ressemble exactement à un toit recouvert de tuiles. Et chaque tuile, c'est une écaille. Mais chez les morphos, donc, c'est pas des couleurs pigmentaires, c'est la forme à l'échelle microscopique, même nanoscopique, de la surface de ces écailles qui, justement, renvoie la lumière de telle façon à sélectionner et amplifier les longueurs d'onde dans le bleu. Alors là où c'est intéressant par rapport à la thématique sur le vol, c'est que ce contraste fort entre la face dorsale et la face ventrale en vol, donc quand les ailes vont être fermées, on va avoir cette couleur brune, très foncée, et quand les ailes vont s'ouvrir, on va avoir des flashs bleus. Le vol des morphos, il est assez erratique. Donc quand il ouvre les ailes, on voit ce flash, et quand il va fermer les ailes, et en fait, quand nous on les poursuit, on va quasiment plus les voir quand ils ont les ailes fermées et qu'ils sont en position de descente. Et donc ça, c'est combiné à un vol qui est assez erratique et qui joue un rôle de confusion et qui pourrait aussi avoir un rôle dans la capacité d'échappement aux prédateurs naturels type oiseaux. Et si on en revient sur cette question de l'anatomie de l'aile, quelle sera la suite de vos travaux sur l'étude aérodynamique ? Il y a un premier côté qui est celui des questions d'évolution qu'on se pose, donc comment la morphologie évolue. Est-ce que le fait qu'il y ait tant de diversité de formes d'ailes chez les papillons, c'est que du hasard, ou est-ce que le fait d'avoir des écologies différentes, ça peut influencer l'évolution de l'aile ? Concrètement, donc Camille va partir bosser un peu avec notre collègue aux Pays-Bas, qui est donc spécialiste de l'aérodynamique. Il va aller étudier justement les propriétés aérodynamiques des ailes de morpho. Au niveau de la traînée, de la portance générée et engendrée par différentes formes d'ailes. Donc là, on n'est plus au niveau du comportement, comment le papillon vole, la façon dont il vole, mais vraiment, est-ce qu'une petite différence de forme d'aile va générer des propriétés aérodynamiques qui sont différentes ? Donc ce que Camille a aussi beaucoup fait et qui va continuer à faire pendant sa thèse, c'est filmer les papillons. Donc soit en cage, en des conditions contrôlées, soit il a aussi des projets de les filmer plus en milieu ouvert, carrément dans la nature, ce qui lui permet de reconstituer les trajectoires de vol en trois dimensions. Donc la façon dont on construit, on va sur le terrain au plus proche de la forêt, et on construit une cage, on a trouvé de la maille et des tuyaux. Là en fait on se situe dans une région dans le nord-est du Pérou, c'est ça. Et on voit la photographie du ski. Qui ressemble à une serre. Oui, ça ressemble un peu à une serre, ouais. Et ce que je fais donc, dans cette cage, c'est que je relâche mes papillons en essayant du mieux possible qu'ils traversent la cage. En fait, on voit le vol, le mouvement sous plusieurs angles différents. C'est ça. Il y a trois caméras en tout. Là, on voit deux champs de vision, donc de côté. Celle qui est accrochée au plafond, il y en a une qui est au bout aussi. Ça permet après, avec une calibration, donc il y a un travail en amont assez particulier, ça permet de retrouver la position en 3D de l'objet d'intérêt, donc ici c'est notre papillon. Donc à chaque image de la vidéo, là on a 240 images par seconde, donc on a plein de positions de papillons au cours du temps, et on va reconstruire ce qui s'est passé. On peut voir ce qu'il a alterné manifestement, le vol battu et le vol c'est plané ça. Au milieu. Après, la deuxième étape, c'est on va prendre en compte justement ces battements d'ailes, et on va définir les moments où il a fait du vol battu et les moments où il a bloqué ses ailes et qu'il a glissé, donc le vol plané, parce que les papillons combinent ces deux types de vols. Et on sait que différentes espèces ou différents individus vont les combiner dans des proportions différentes. Certains papillons vont voler, vont planer plus longtemps que d'autres. D'autres vont utiliser du vol battu. Donc après, avec ces coordonnées 3D, sur des logiciels d'analyse statistique, on peut calculer un peu tous les paramètres. Donc on peut sortir la fréquence de battement d'aile, la vitesse, on peut avoir la hauteur à laquelle il était, l'accélération, la sinuosité. Et donc bien sûr, l'objectif, c'est de tester la corrélation entre la variation de ces paramètres de vol Et la variation des formes d'ailes entre les papillons et même au sein des mêmes espèces. Et on quantifie la forme des ailes et ensuite on va étudier la covariation, c'est-à-dire vraiment l'association entre forme des ailes et trajectoire de vol pour voir si un papillon qui a les ailes plus allongées va voler vraiment de façon différente d'un papillon qui a les ailes plus arrondies. Voilà le reportage du jour donc sur le vol du papillon. Là, on est sur un cas concret. Romain Garou, c'est une réaction à ce que vous venez d'entendre ? Ah ben, ça me parle tout à fait. J'ai vécu une dizaine d'années en Guyane. Et donc, pour moi, les morphos, ça fait partie du paysage de la forêt tropicale, donc amazonienne. Effectivement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'on en voit, on les voit assez bien. On peut les chasser même en utilisant des leurres colorées, de couleur bleue électrique justement pour pouvoir les chasser. Ou alors il suffit qu'on ait une casquette un petit peu bleue ou un sac à dos. Ils viennent se poser. Et ils viennent, non, ils viennent nous voir, ils viennent nous attaquer. Ah d'accord. Parce que, alors, ce sont les mâles qui sont territoriaux et qui viennent nous faire des flashs bleus électriques pour dire qu'on n'est pas les bienvenus sur son territoire. Voilà. Et qu'est-ce que l'étude précisément morphologique, là ce qu'on vient d'entendre, l'étude aussi mécanique du vol du papillon aujourd'hui nous permet d'apprendre. Vous disiez tout à l'heure que ce vol il s'est spécialisé, qu'aujourd'hui les néoptères volent d'une manière extrêmement technique et pas seulement aérodynamique, mais très optimisé, voilà, c'est le mot que je cherchais. On parle effectivement du vol des insectes comme étant la meilleure adaptation au milieu aérien, le vol le plus efficace en termes de dépenses énergétiques, en termes de contrôle, de maîtrise. Le vol stationnaire que maîtrise assez mal, on y reviendra dans un instant avec Annick Abourachid, les oiseaux ou les vertébrés. Qu'en pensez-vous ? Alors oui, les morphos ou ce type de grands lépidoptères, parce que ce sont quand même des insectes d'assez grande taille, sont assez remarquables. Et notamment, il y a tout un complexe d'espèces qui ont des comportements différents et donc forcément des formes différentes qui vont être adaptées à leur mode de vie. Et donc le type de vol va être adapté à leur mode de vie. Donc là, on est dans un processus, on va dire, de micro-évolution pour comprendre justement comment des petites variations de forme et de taille peuvent avoir une influence sur leur mode de vie. Passer à côté du vol du bourdon de Rimsky-Korsakov, ici interprété par Ofra Arnoy et l'orchestre de chambre anglais, puisque nous parlons du vol, pas seulement des bourdons, des insectes, mais aussi des oiseaux et des mammifères tout au long de cette heure, de l'apparition du vol. On a entendu qu'elle était certainement multiple, en tout cas complexe, dans le règne des insectes, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Romain Garousse, qui est paléo-entomologiste, écologue à l'Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité du Muséum National d'Histoire Naturelle. Nous allons passer aux vertébrés maintenant avec Annick Abourachid qui est professeure et anatomiste dans l'unité mécanisme adaptatif et évolution également au Muséum d'Histoire Naturelle. Mais avant d'arriver aux oiseaux, le vol, encore une fois, par convergence évolutive, est apparu ailleurs que chez les oiseaux, chez les ptérosaures et les sauropsidés, Annick Abourachid. Oui, donc ce sont les grands, enfin les grands petits aussi, reptiles volants qui ont disparu aujourd'hui, qui sont pas du tout, enfin qui sont évidemment des vertébrés, mais qui ne sont pas apparentés ni aux oiseaux ni aux chauves-souris, et qui eux aussi volaient vraiment très bien. Il y a eu une très grande réussite adaptative de ces espèces qui étaient très diversifiées, avec des comportements très différents. et dont l'aile était formée par une membrane tendue entre un doigt très très long. L'annulaire. Et... ils avaient quatre doigts, c'est l'annulaire. Voilà. On leur mettait pas de bague, mais c'était un annulaire quand même. Ça glissait pas, il y avait une membrane. C'est ça. et le corps. Mm. Et eux aussi, il y en a eu énormément, beaucoup de comportements différents, des tailles différentes. Et eux posent des problèmes parce que on ne sait pas trop comment ils ont réussi à décoller. Parce qu'un des problèmes du vol chez les, dans la plupart des espèces, c'est le décollage. Et là, c'est compliqué. On ne sait pas très bien comment ils décollaient. On est à quelle époque à peu près à leur apparition ? On est au Crétacé-Paléocène, hein, 230 millions d'années à peu près. C'est ça, par sous votre contrôle. C'est vrai qu'on a douté, hein, comme d'ailleurs avec Archéoptéryx sur lequel on reviendra, on a douté de leur capacité à voler, notamment parce que pour les plus grands spécimens, ils étaient très lourds, très longs. On parle d'envergure de plus de 10 mètres et on se disait c'est très lourd et la mécanique est compliquée à mettre en œuvre précisément pour le décollage. Oui, mais très grand ne veut pas dire très lourd parce que ce sont des structures extrêmement légères. C'est une peau tendue sur un doigt. Donc, comme les oiseaux, on a une aile extraordinairement légère. Donc, grand ne veut pas dire lourd. On a par ailleurs retrouvé, comme chez les oiseaux, des os pneumatiques, c'est-à-dire des os creux, voilà, plus légers pour alléger le poids. C'est ça. Ce sont les animaux volants, les vertébrés volants sont légers, hein, puisqu'il faut avoir un rapport entre la taille et le poids qui soit le plus favorable possible à la taille, donc qu'il soit grand mais le plus léger possible. Donc chez les oiseaux, il y a beaucoup d'adaptations qui permettent de réduire le poids. On est aujourd'hui strictement sûr qu'il n'y a pas de filiation ni avec les oiseaux, ni avec les mammifères volants. Tout à fait, tout à fait. Ce sont des lignées évolutives différentes. Mmh. Donc, la structure de l'aile, tout indique. Tout est différent. Mmh. Tout est différent. C'est et alors l'autre énigme, c'est qu'on va avancer, on va avancer un peu dans le temps. Le premier oiseau, l'aïeul de tous les oiseaux plutôt, l'Archéoptéryx. Là, on fait un bond d'une centaine de millions d'années. On est à moins 150 millions au Jurassique supérieur. Là aussi, l'Archéoptéryx, c'est un drôle d'oiseau, pourrait-on dire. Oui. Alors. Du point de vue de l'évolution, on n'a pas d'aïeul. Enfin, en biologie évolutive, on n'a pas d'aïeul. On a des lignées. C'est-à-dire que Archéoptéryx n'est pas l'ancêtre des oiseaux actuels. Il est sur la lignée des oiseaux. C'est-à-dire, on peut l'imaginer comme un arbre qui se déploie dans le temps. Et donc, il est sur une branche commune, mais avec de très nombreux essais ou espèces qui ont disparu entre Archéoptéryx et les oiseaux actuels, et des formes un petit peu différentes aussi qui ont disparu. Pour avoir actuellement 10 000 espèces d'oiseaux, c'est-à-dire que c'est le plus grand groupe de vertébrés terrestres. Mmh. Là aussi, succès évolutif énorme, hein, comme énorme, chez les insectes. Énorme, absolument. Et puis, comme on le verra tout à l'heure, chez les chauves-souris aussi, qui représentent beaucoup d'espèces, 20% des espèces de mammifères. De mammifères. Oui. Les mammifères, à peu près 4000 espèces actuelles. Donc, on a chez les oiseaux une énorme radiation. Et les oiseaux ont la particularité d'avoir, pour les oiseaux actuels, dès l'origine, un plan d'organisation, dont parlait Romain, déjà d'animaux volants. Donc ce sont tous, dès le début de cette radiation, des animaux spécialisés sur le vol, qui partagent tous un même plan d'organisation, qui est issu d'espèces qui étaient volantes, d'ancêtres volants qui étaient des dinosaures spécialisés, comme le sont les oiseaux actuels, et qui sont éteints au moment de la crise Crétacé-Tertiaire, ou même la grande dernière extinction. Mmh. Et donc, un certain nombre de ces groupes d'oiseaux, déjà donc des espèces volantes, un petit nombre d'espèces ou de groupes d'espèces ont passé cet entonnoir évolutif, cette crise, et se sont de nouveau diversifiés de façon extraordinaire à la suite de cette extinction de masse. Oui. Donc nous avions parlé autour de cette table, on va vous mettre, comme d'habitude, le lien vers le podcast sur le fil Twitter de l'émission. Et donc on a chez les oiseaux actuels un plan d'organisation très homogène par rapport à beaucoup d'autres groupes. Avant Archéoptéryx, est-ce qu'on a une idée de ce qui conduit à Archéoptéryx ou pas ? Il y a, oui, le registre fossile est très riche. Donc on a énormément de formes qui sont qui montrent une gradation entre les dinosaures qui étaient des animaux bipèdes coureurs, et le fait qu'ils soient coureurs n'est pas indifférent dans cette histoire, avec des bras plutôt courts et qui n'étaient pas utilisés pour la locomotion. Donc là encore, on peut avoir des utilisations variées de diverses de ces bras qui étaient plutôt courts, et on voit un allongement des doigts par exemple, sur certaines formes qui conduisent à une possibilité de déploiement d'une aile, puisque l'aile en fait c'est un bras normal avec les mains, enfin un bras classique de vertébrés terrestres, avec une main fusionnée, les os de la main fusionnés, qui permettent un allongement, et le bras est transformé en une baguette articulée sur laquelle s'insèrent les plumes, qui sont donc des structures extrêmement légères, mais très solides, très robustes, et qui augmentent la taille de l'aile. La question, telle que vous le décrivez, on voit qu'on revient un peu à ce que l'on racontait tout à l'heure sur les insectes, c'est-à-dire la question de l'exaptation, c'est-à-dire que ces plumes-là qui ont fini par supporter une forme de portance qui va aider au vol n'étaient pas là au départ pour spécialiser pour le vol, elles se sont transformées au fur et à mesure. Et sur l'apparition du vol et sur ces oiseaux, sur ces dinosaures qui ne sont pas encore des oiseaux, l'allongement précisément des bras pour la stabilité dans la course. Hein. C'est l'une des hypothèses, que ces bras se sont allongés pour gagner en stabilité dans la course. Alors, une des hypothèses est que, avec déjà des plumes, les plumes qui peuvent avoir des fonctions, par exemple, ornementales, c'est fort possible. Ou thermoprotectrices. Thermoprotectrices, en tout cas, elles l'ont, celle-là, c'est sûr. Une fonction sûre. Ces plumes allongées, qui peuvent donc assurer une certaine portance, peuvent être utilisés, sont utilisés chez les jeunes, très jeunes oiseaux actuels qui ne sont pas encore capables de voler pour la fuite, parce qu'elles permettent aux oiseaux de rester stables sur des plans très inclinés. C'est-à-dire que de très jeunes oiseaux qui ne volent pas, pour fuir, vont être capables de monter sur un tronc en courant, en battant des ailes. Et là, les ailes sont utilisées non pas pour se dégager de la branche, mais au contraire pour être capable d'être plus stable sur cette branche et de se coller en quelque sorte au support. Donc on a là une possibilité d'utilisation d'une structure qui sont donc les plumes, pour une fonction locomotrice. Ça c'est l'hypothèse ground-up, de la terre vers le haut. C'est là, c'est celle qui expérimentalement est stable. On sait que ça marche comme ça. Ça, on sait que ça marche. Mais il y a une autre hypothèse inverse, qui est l'hypothèse trees down. Voilà. Qui serait que donc... Des arbres vers le bas. C'est ça. Alors, celle-ci est que les oiseaux étaient donc des animaux grimpeurs et qui auraient pu utiliser ces plumes, ces proto-plumes, en planant. Alors, c'est fort possible aussi. D'autant que dans le registre fossile, il existe des espèces avec des plumes très longues sur les pattes arrière aussi, qui pouvaient être utilisées pour planer. Ça on le voit hein, dans les proto-oiseaux, Archaeopteryx par exemple a encore une longue queue plumée. Il y a presque quasiment une tentative à quatre ailes, j'ai envie de dire, qui sont pas des vraies ailes, mais en tout cas avec des plumes à l'arrière sur les pattes arrière aussi. Alors, qui sont déployées différemment. C'est un peu différent de la queue. Sur les pattes arrière, il n'y a pas de vol battu par exemple avec les pattes arrière. En revanche, la queue chez les oiseaux actuels est un organe du vol aussi, puisque alors, au contraire d'Archéoptéryx, les oiseaux actuels ont une queue très, osseuse, très courte. Alors, en fait, Archéoptéryx, c'est une queue comme quand on regarde les squelettes, hein, on va vous mettre là aussi des images sur le fil Twitter, c'est comme une queue de chat ou de chien, voilà, enfin, ça ressemble à une queue osseuse. Les vertèbres sont longues, et des plumes insérées sur le côté. Alors ça, c'est une structure qui est moins efficace pour le vol, mais qui peut être utilisée pour le vol quand même, mais de façon moins efficace que la queue actuelle des oiseaux actuels, puisque les plumes sont insérées sur la queue de façon à pouvoir être déployées comme un éventail. Donc, à l'arrêt, la queue est ramassée. Et en vol, la queue peut être déployée et utilisée pour stabiliser le vol des oiseaux. Donc on trouve cette queue, cette forme, la forme d'un oiseau est extrêmement donc stable, et c'est la même que, si on enlève les plumes, que celle que tout le monde connaît très bien avec la forme d'un poulet. Voilà. C'est voilà, c'est un gros poulet. Archéoptéric, c'est un gros poulet avec une queue. Avec une longue. un mot, parce que là aussi, hein, alors, comme tout à l'heure pour les ptérosaures, pour les ptérodactyles, même si ça a été confirmé, Archéoptéric, il y a eu plein d'allers-retours. Hein. On s'est dit, ils volent pas, ils décollent un peu du sol, mais ils volent pas vraiment. C'est du vol battu, mais il va pas très loin. Est-ce que ça a été tranché, cette question? Alors, le débat par rapport au vol d'Archéoptéric, c'est principalement au fait qu'il n'y ait pas cette structure qu'on retrouve chez les oiseaux actuels, qui est le bréchet. Qui est si on reprend notre cas, notre exemple du poulet, les muscles du vol chez les oiseaux, ce sont les pectoraux, et chez le poulet, ce sont les blancs. Donc ça parle à tout le monde. Voilà, tout le monde. Si on a déjà découpé un poulet, on sait comment est fait un oiseau. Donc on a les blancs qui sont les muscles du vol qui servent donc à bouger les ailes. Et l'autre partie très importante dans la musculature des oiseaux, que tout le monde connaît aussi, ce sont les cuisses. Mmh. Voilà. Donc tous les oiseaux ont ces structures-là. Alors Archéoptéryx, on ne retrouve pas cette quille, cette partie intermédiaire sur lesquelles s'attachent les blancs. Les blancs, c'est-à-dire que vous voyez dans un poulet l'os du milieu sur lequel, voilà, qui est une espèce de comme une de lame, quille, voilà, comme une la quille d'un voilà, bateau. Ça, voilà. Tout à fait. Et chez Archéoptéryx, on ne retrouve pas, on a un sternum plat. Donc voilà, le débat vient du fait que, bon, où s'inséraient les muscles du vol, donc qui vont permettre de battre des ailes. Mais en fait, on pense maintenant que chez Archéoptéryx, il y avait une structure, mais pas ossifiée. Donc, on le retrouve pas sur le cartilagineuse. Oui, enfin, ou tendineuse. Ou tendineuse. Mmh. Et que les muscles pouvaient s'insérer très bien sur des structures pas ossifiées, mais avoir quand même une musculature suffisamment forte pour avoir un bon vol efficace. L'autre partie qui fait que peut-être il volait moins bien que les oiseaux actuels, c'est cette longue queue qui ne lui permettait pas d'utiliser les plumes comme un éventail qui est très pratique pour la stabilité. Est-ce qu'on peut dire en conséquence que on parle d'exaptation, est-ce qu'on peut dire que le vol chez les oiseaux arrive presque par accident, ou est-ce que c'est un peu exagéré de le penser comme ça? Bah, par accident, accident à l'échelle de l'évolution, donc sur des millions d'années évidemment, mais Étant donné qu'on a toute une série intermédiaire, accident, moi je dirais pas que c'est un accident. Ce sont des opportunités. De toute façon, on a toujours des opportunités, et notamment celle extraordinaire de la conquête du milieu aérien. Donc c'est un espace libre. Pour des gros animaux, ça permet, je le répète, d'éviter les prédateurs, ce qui est donc très important aussi. D'aller protéger la descendance. Voilà. Également, en altitude. Oui. Mmh. Et de pouvoir se déplacer de façon très efficace aussi. Donc, c'est une opportunité que les oiseaux ont saisie. Et puis, c'est une niche écologique, et on va boucler avec cette première partie qui est peuplée de nourriture abondante, Romain Garouste. Quand les oiseaux commencent à se diversifier, les insectes volants, ce sont, non pour ainsi dire, pas de proies. Alors, en tout cas. Les insectes volants? En fait, ils sont eux-mêmes les proies. Oui, pas de prédateurs, pardon. Excusez-moi. Voilà. Oui. En fait, oui, parce que il y a toujours eu quand même l'espace volant quand même a toujours été un peu occupé, comme nous l'a expliqué Annick, et depuis très longtemps. Et en fait, on pense que les premières extinctions de ce qu'on a appelé les insectes géants, je pense que tout le monde a entendu parler, donc les insectes géants du Paléozoïque, auraient peut-être été causés. Alors, les insectes géants, c'est-à-dire qu'ils faisaient quelle taille? Les insectes qui faisaient des libellules de 70 cm d'envergure, c'est-à-dire, on va dire, 4 fois, 5 fois les organismes actuels. Belle bête. Voilà. Mmh. Donc ça vous fait des ailes qui font 35-40 cm de long. Donc on a des fossiles pour le prouver, hein, ce ne sont pas Ce sont vraiment des choses qui ont été trouvées, et notamment en France. Hein, donc on a des fossiles très connus qu'on a au Muséum d'Histoire Naturelle et qui ont d'ailleurs été à l'origine de toute une littérature ou beaucoup de fantasmes sur les animaux géants du Paléozoïque, dont les insectes, bien entendu. Eh bien, on pense que la disparition de ces formes géantes serait due quand même aux premiers volateurs qui auraient pu être, alors ce sont des hypothèses, des reptiles qui auraient été justement des glisseurs, des gliders en anglais, donc des sortes de planeurs, qui auraient été capables justement d'aller, d'être les premiers, on va dire, pionniers de cet espace aérien, donc premiers vertébrés, donc pionniers de cet espace aérien, et qui auraient pu causer, s'ils étaient efficaces, la disparition de ces grands volateurs insectes hors normes, on va dire. Il y a un lien, en tout cas, dans l'extrême diversification, alors surtout post-extinction du Crétacé, avec d'un seul coup une niche écologique extrêmement vaste et qui n'est plus du tout, qui est la fin d'un système trophique sans grands prédateurs. Vous pensez qu'il peut y avoir un lien d'explication sur la grande diversification des oiseaux et la rapidité de la conquête de cette niche écologique, Annick Abourachine? Bah oui, on se retrouve avec une niche qui était déjà très occupée auparavant avec déjà des oiseaux. Donc il y avait autant d'oiseaux au Crétacé que sans doute qu'actuellement, des espèces différentes, mais autant. Et les oiseaux étaient déjà là en tant que... occupaient déjà cet espace. Donc c'est une reconquête par de nouvelles espèces qui assurent la même fonction finalement au niveau de l'ensemble de l'écosystème. Est-ce qu'on a une forme d'hypothèse pour expliquer la survie des oiseaux et pas des sauropsidés? Ou pas du tout? Non, je ne sais pas. Les oiseaux, en tout cas, le fait d'avoir été volant est un atout, c'est sûr. Sinon, non. Non, sur les sauropsidés, bon. Peu importe. Peut-être dire un mot, puisqu'il nous reste une petite dizaine de minutes, sur les derniers à avoir conquis cet espace aérien. Ce sont les mammifères, les chauves-souris. Là aussi, est-ce qu'on sait comment ça se situe, comment apparaissent ces premières tentatives de vol dans la branche des mammifères, qui sont là aussi, qui n'ont rien à voir avec ni les insectes ni les oiseaux? Ce sont des vols très différents. Non. Mais là, le registre fossile est très pauvre. Donc, on a des chauves-souris. Donc on ne sait pas, Romain Garrousse, d'où viennent les chauves-souris? Non, en tout cas, pas que je le sache. Ce qu'il y a, c'est que c'est une diversification beaucoup plus tardive. On est à 50 millions d'années. Voilà, on est dans le tertiaire, on est dans, on va dire, ce qu'on appelle les écosystèmes modernes. Donc, ils sont bien après, justement, le bouleversement de la crise entre le Crétacé et le tertiaire, justement. Donc, qui coïncide avec la disparition des dinosaures. Et donc, là, on a vraiment des écosystèmes qui ressemblent, la planète Terre ressemble à notre planète d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de gros bouleversements depuis. Et donc, les insectes sont là, et bien là. Et il y a eu, donc, cette diversification de la lignée des chauves-souris qui était peut-être une sorte de concurrents pour les oiseaux, malgré tout, mais qui, justement, ont exploité une niche un petit peu différente, puisque s'il s'agit d'une niche nocturne. Les oiseaux nocturnes étant, on va dire, quelque chose de beaucoup plus marginal, comme les chauves-souris, on va dire, diurnes, le sont tout autant. Peut-être un mot aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, Annick Abourachide, sur le vol des oiseaux aujourd'hui. On parlait tout à l'heure du vol des insectes, qui est extrêmement performant, qui s'est spécialisé pour arriver à la précision que l'on évoquait tout à l'heure. Le vol des oiseaux est un vol très différent, avec une mécanique très différente, et qui est un vol un peu contre-intuitif, parce que les oiseaux, on dit, battent des ailes de haut vers le bas, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que s'il battait que du haut vers le bas, il ne pourrait que s'élever, il ne pourrait pas avancer. Et on s'est rendu compte en mécanique et en mécanique des fluides que c'était un peu plus que les tourbillons d'air étaient un peu différents. Oui, alors ce qui est très important sur le vol des oiseaux, c'est cette aile, c'est cette plume asymétrique, puisque pendant le vol, un vol plané, si on prend l'exemple d'un vol plané, c'est les courants d'air autour du corps de l'objet, comme un avion par exemple, sont les courants d'air qui sont différents au-dessus et en dessous de la structure qui permettent le vol. C'est-à-dire que les objets ne volent pas en s'appuyant sur l'air, mais sont aspirés, en fait, par une dépression qui est créée par des courants d'air au-dessus de l'aile. Donc il y a un système d'aspiration. Dans le cas du vol battu, la structure est un petit peu différente et les mouvements des ailes permettent de créer des vortex, c'est-à-dire des tourbillons autour de à l'arrière de l'objet qui vole. Et ces tourbillons assurent à la fois l'avancée et la portance, c'est-à-dire qu'à la fois ils poussent l'objet, donc l'oiseau en l'occurrence, et assure le fait qu'il soit suspendu dans les airs. Alors que dans un objet ou un oiseau ou un animal qui fait du vol plané, c'est l'avancée elle-même qui assure la portance. Donc il faut qu'il y ait un courant d'air autour de la structure. Donc il faut qu'il avance. Chez un avion, ce sont les réacteurs qui vont le pousser. Chez les oiseaux, par exemple, qui font du vol plané, ils volent dans des courants aériens. Donc c'est l'air qui passe autour d'eux qui est équivalent de qui crée la portance. Qui crée la portance, l'aspiration au-dessus de l'air. Pour les vols battants, c'est plus complexe. Et il faut des plumes. Ces plumes asymétriques permettent de. C'est un petit peu comme un store vénitien. C'est-à-dire, il y a une position ouverte, une position fermée. En tournant la structure, en tournant la plume, elles vont se superposer au moment de la descente de l'aile et s'ouvrir au moment de la remontée. Et ces ajustements des positions des plumes vont permettre, avec des mouvements des ailes, des os, des ailes, vont permettre d'ajuster les tourbillons. Là où, chez les insectes, c'est complètement différent, c'est une forme sinusoïdale. Les insectes ne battent pas des ailes de haut vers le bas. Ce sont des tourbillons, en quelques mots. Alors oui, il y a également, justement, la notion de vortex, qui est absolument nécessaire pour à la fois pour la portance et également la propulsion. Mais on a détaillé maintenant avec des microscopes et des caméras très très rapides le mouvement, on l'entendait dans le reportage tout à l'heure, le mouvement précis des ailes d'insectes, et c'est un mouvement beaucoup plus complexe que celui des ailes d'oiseaux. Alors justement, chez les mouches et les hyménoptères, donc les guêpes, les abeilles, effectivement c'est très complexe. C'est dû à un jeu de muscles qui sont tout à fait complémentaires, qui sont dans le thorax et qui vont ajuster à la fois, donc bien sûr, qui vont être responsables des battements, donc qui sont souvent très élevés, et qui vont aussi, donc des muscles complémentaires qui vont ajuster un petit peu l'orientation de chacune des ailes, un petit peu comme dans le cadre d'un hélicoptère, vous savez, qui est obligé d'adapter un petit peu l'inclinaison de ses pales. Et bien, c'est ça qui va permettre l'ajustement du vol. Peut-être à la manière également d'un oiseau qui peut effectivement jouer sur la position de ses plumes, et bien là c'est l'orientation de chacune des ailes pendant le vol en fonction du type de propulsion qui est recherché. Et comme on est très sympa, on va vous mettre une vidéo d'un vol ralenti d'ailes d'insectes et d'ailes d'oiseaux sur notre fil Twitter. Vous allez voir que c'est très différent et que c'est assez passionnant à regarder. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été ici avec nous au cours de cette heure. Merci Romain Garouste, merci Annick Abourachid, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Sarah Hijement, Céline Lezen, Mina Guetzin-Vulfranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Bruno Gagnère-Fontani à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, dans un instant, c'est une nouvelle semaine de séries documentaires Le sexe comme objet, savoir et sexualité par Delphine Seltel et Vincent Deck, en annonce de la journée spéciale de vendredi consacrée à le sexe et pouvoir, enregistrée samedi dernier dans le Grand Amphi de la Sorbonne. On vous en reparlera aux alentours du journal de 18h, après le journal de 18h, pardon, à 18h20. Dans Le Grain à Moudre, Hervé Gardette se demandera comment, s'il faut sauver les caissières de supermarché. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous irons nous promener dans l'espace, oui, mais bien protégé dans notre combinaison. Celles d'aujourd'hui sont peu ou prou les mêmes que celles d'il y a 50 ans. Espace, la combinaison gagnante, ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.